Le poids de la distance a dû m'ouvrir les yeux. J'avais perdu le fil, pris dans l'action, l'accélérateur au fond. Sur ma télévision, de jeunes corps délicieux, le décor qui défile, rêves et visions, mon espèce en expansion. La conscience en extinction, les pupilles en exaltation. Je fais tourner la terre, je fais trembler les cieux, dans un écrin de verre où la mort n'est qu'un jeu. C'est un monde à l'envers, où le virtuel est une vie prisonnière de ses chaînes, de sa chaleur sans vie. C'est un monde à l'envers, où il faut paraître à tout prix. Le prix de l'indécence va me crever les yeux, effacer mes désirs. Prisonnier de l'absence, ma conscience est en jeu, est en jeu, est en jeu, est en jeu. Je paierai le silence, je prierai tous les dieux pour retrouver l'enfance où je me sentais. Thank you.